Bonjour ami Verseau, bienvenue dans votre tirage concernant vos amours du mois de mai 2023. Alors on va voir de quoi il s'agit, s'il y a un message, un conseil. On va voir ça tout de suite. Bon, apparemment, il y a une amélioration, il y a une nette amélioration de la situation, de votre situation amoureuse par rapport à une certaine tristesse intérieure, une certaine solitude intérieure ou en tout cas tristesse. Donc c'est déjà bien parti, on va voir. Maintenant, ça c'est ce qui colore le jeu. Quel est le tirage pour vous de l'oracle de Béline? Alors, pour les Verseaux, amour 2023, j'enlève les autres cartes et je découvre le jeu en même temps que vous. Ah, c'est beau ça, j'espère que... Ah. Oui, ben si, c'est ça. En fait, c'est ça. Bon, il va y avoir... vous allez vous sentir au mois de mai soutenu, mis en valeur par votre amour. Par votre partenaire, par aussi sans doute votre entourage, parce que là c'est au-delà de l'affection. On a l'impression que vous allez être mise en valeur dans votre profession ou dans votre milieu socio-professionnel ou social, etc. En tout cas, vous allez vraiment retrouver une pleine confiance dans vos relations. Et pourquoi? Eh bien, l'amour rayonne sur le jeu. Donc vous allez recevoir des marques d'affection de votre partenaire, mais aussi de votre entourage si vous êtes célibataire. Et du coup, apparemment, par rapport à une situation qui vous a vraiment perturbé dernièrement, ça va apporter un changement. Vous allez vous sentir à nouveau, alors là voilà, choisis pas les cartes, un changement qui va vous faire renaître différemment, repartir reprendre en fait, ça va vous aider à reprendre un nouvel élan de vie. Alors ici j'ai l'impression que c'est au-delà du couple, c'est peut-être des problèmes extérieurs, des problèmes avec une personne de la famille ou une personne voilà de votre entourage qui va s'arranger. Et du coup eh bien vous allez à nouveau vous épanouir pleinement sur tous les plans, d'un point de vue sentimental. Le couple est là, le couple a l'air solide, les soutiens sont là. C'est pour ça que j'ai l'impression que le problème, il vient de quelqu'un d'autre, ou peut-être une tristesse par rapport à quelqu'un qui vous a inquiété dernièrement. Et puis pour les célibataires, ben c'est pareil, apparemment vous allez être pas mal mis en valeur, au mois de mai, et ça va vous permettre de passer au-delà de mauvaises expériences, de mauvais souvenirs, et de repartir d'un bon pied, de retrouver confiance en votre séduction pour envisager un été passionnant. Mais ça, on le verra par la suite. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai.